Mais si l'homme s'abandonne à son mauvais naturel et montre une obstination opiniâtre, quand il se présentera une bonne action à faire, personne ne voudra la lui conseiller. On le laissera agir avec sa folle présomption. Il ne peut manquer de commettre des fautes et de s'attirer de grands malheurs. Un ancien disait, « Celui qui suit les avis des autres est un homme sage, celui qui suit ses propres avis est un insensé. » Si donc il n'est pas permis de suivre ses caprices, à plus forte raison, n'est-il pas permis de les satisfaire avec une méchanceté opiniâtre? Histoire autrefois, un homme nommé Touhi avait pris une seconde femme qui était douée d'une beauté accomplie. Un jour cette jeune femme, ayant reçu une lettre de son père, était occupée à la lire, près de la fenêtre, lorsqu'elle vit venir Touhi, qui arrivait de dehors. Comme elle était nouvellement entrée dans sa maison, elle rougit et avala la lettre, afin que son mari ne la vît pas. Touhi, soupçonnant que c'était une lettre d'amour, lui fit ouvrir le ventre. La lettre ayant été extraite avant que sa femme ne fût expirée, il y jeta les yeux et dit en soupirant, « Tire Kedratin, pourquoi me suis-je laissé aller à cette coupable précipitation? J'ai brisé d'une manière cruelle les liens qui maintiennent l'harmonie de la société. Je ne lui survivrai pas longtemps. » En effet, sa femme obtint la vengeance que réclamait sa mort, et il périt avant le dixième jour. Voilà comment le ciel punit ceux qui satisfont leurs caprices avec une méchanceté opiniâtre. Violer la justice dans l'appréciation du bien et du mal. Commentaire. Ceci s'applique à ceux qui jugent les affaires. Le mot « chi » signifie ce qui est conforme à la raison. Le mot « fei » ce qui est contraire à la raison. Les mots pourtant veulent dire rendre une décision qui n'est pas conforme à la justice. En général, quand vous jugez une affaire qui intéresse d'autres hommes, ils attendent que vous montriez clairement quel est celui qui a tort ou raison, celui dont la conduite est louable ou digne de blâme. Vous devez alors régler votre cœur et maîtriser vos passions. Donnez raison à celui qui a raison, donnez tort à celui qui a tort. L'un sera touché de reconnaissance, et l'autre n'osera se plaindre de votre décision. Mais si vous rendez une décision inique qui donne tort à celui qui a raison, l'homme de bien sera victime d'une injustice, et le méchant, au contraire, réussira dans ses projets. Vous exciterez contre vous l'indignation des hommes et la colère du ciel. Comment pourriez-vous échapper au châtiment? Il y a des hommes qui cèdent aux sollicitations des autres et flattent leurs passions. Il y en a qui se laissent gagner par des présents. Il y en a qui trompent les bons, dans la crainte des méchants. Il y en a qui montrent de la partialité pour le parent. Il y en a dont l'esprit aveugle ne sait point distinguer la justice. Il y en a qui se laissent aller à la violence de leur caractère. Un seul de ces défauts les empêche de rendre une décision équitable. Comment les autres hommes pourraient-ils se soumettre à une sentence inique qui ne fait qu'aggraver leur faute? Si donc nous devons apporter la plus scrupuleuse attention pour juger les affaires qui intéressent nos voisins ou nos parents, à plus forte raison les magistrats doivent-ils rechercher avec le plus grand soin tous les détails des causes qui leur sont soumises. Histoire sous la dynastie des Tsi du Nord, vivait un président de tribunal nommé Lien Fei, qui mettait toute son habileté à épier les volontés de ses supérieurs. Il y avait dans le même temps un gouverneur de Yangti, nommé Changshen, qui tyrannisait le peuple et s'enrichissait de ses dépouilles. Un moniteur impérial, nommé Weiyuanzu, fut chargé par l'empereur de le mettre en jugement. Le crime était évident et l'accusation était fondée sur des preuves irrécusables. À force de présents, Chang Chen fit parvenir à l'empereur une plainte contradictoire, où il accusait Yitzhu d'avoir abusé de son autorité, et de l'avoir mis injustement à la question. L'empereur crut cette imposture, et renvoya l'affaire par devant Lien Fei, afin qu'il la soumît à un nouvel examen. Celui-ci, voyant l'empereur courroucé, ne se donna pas la peine de distinguer lequel des deux avait tort ou raison. Il condamna à mort Yitzhu, et Chang Chen échappa ainsi au châtiment qu'il avait mérité. Et Yitzhu, étant sur le point de mourir, fit à son secrétaire la recommandation suivante. « Tous connaissez, lui dit-il, l'injustice dont je suis victime. Rédigez une plainte sur un papier que vous attacherez à mon cadavre, afin qu'elle serve à en instruire le roi de l'autre monde. » Un mois s'était à peine écoulé depuis cet événement, que Chang Chen mourut subitement. Au bout du second mois, la plainte de Yitzhu parvint à l'empereur, qui fit mourir Lien Fei par le poison. Après cet exemple, comment pourrait-on violer la justice dans l'appréciation du bien ou du mal? Ne pas savoir distinguer les personnes qu'il faut rechercher ou fuir. Commentaire. Ce passage s'adresse à ceux qui vivent en société avec d'autres hommes. Le mot yong, un, signifie aller vers une personne ou une chose pour s'y attacher. Le mot pays, un, signifie fuir une personne ou une chose et s'en éloigner. Le mot kuai, trois, veut dire se tromper dans, être en opposition avec. Le mot i, quatre, désigne ce que la droite raison prescrit de faire. En général, dans nos relations avec nos amis, il faut bien distinguer ceux qui sont dépravés, et ceux qui sont vertueux. Nous devons fuir les uns et rechercher les autres avec empressement. Si nous fuyons les hommes vertueux, nous ne trouverons aucune bonne action à imiter. Si nous recherchons les hommes dépravés, nous prêterons nécessairement un appui aux méchants, nous perdrons notre réputation, et nous finirons par être enveloppés dans leur châtiment. L'expérience nous en montre de nombreux exemples. Il y a des personnes qui recherchent les hommes puissants. Il y en a qui s'attachent à ceux qui servent leurs intérêts. Il y en a qui aiment les agréments de la société. Il y en a qui sont incapables de connaître les hommes. La moindre inattention sur un de ces points nous met en opposition avec notre devoir et nous attire inévitablement toute espèce de calamité. C'est pourquoi, dans nos relations habituelles avec nos amis, nous ne pouvons nous dispenser d'apporter l'attention la plus scrupuleuse à distinguer ceux qu'il faut rechercher ou fuir. Un magistrat doit aussi examiner avec la plus grande attention quels sont ceux de ses collègues qu'il doit rechercher ou fuir. Histoire. Jinping, qui vivait sous la dynastie des Han occidentaux, s'était lié d'amitié avec Qiu Po, qui avait la charge de Taiwei. Ils châtièrent ensemble les rebelles Lian Lu et Lian Zhang, et affermirent le sceptre des Han. Ma Yuan avait d'abord eu pour maître Kong Sun Shu. Dans la suite, ayant rendu visite à l'empereur Kuang Wuti, il dit à Wei Yao, « Zhe Yang est comme une grenouille qui n'est pas sortie de son puits. Ce qu'il a de mieux à faire est de tourner ses vues vers les contrées de l'Orient. » Aussitôt Sun Shu alla offrir ses services à l'empereur Kuang Wuti. Voilà deux hommes qui savaient distinguer ceux qu'il faut rechercher ou fuir. Aussi purent-ils rendre de grands services à l'État, et transmettre à la postérité la plus reculée la renommée de leurs exploits. Quant à ceux qui dans les siècles suivants se sont attachés aux hommes puissants, et qui ont calomnié les hommes justes et vertueux, ils sont morts la plupart au milieu des supplices, et ont laissé après eux un nom couvert d'opprobre. Il en est de même des simples lettrés et des hommes du peuple, qui embrassent des doctrines dangereuses, qui calomnient les sages et les saints, qui négligent de fréquenter les hommes vertueux pour rechercher la société des scélérats. Un jour vient où leurs projets sont renversés, et ils subissent la peine qu'ils ont méritée en violant les lois. N'est-il pas évident qu'ils se sont attirés ces malheurs pour n'avoir pas su distinguer les hommes qu'il fallait rechercher ou fuir? Faire du mal à ses inférieurs pour acquérir du mérite. Commentaire. Le mot Nyo, traité cruellement, s'applique ici à ceux qui dépouillent les hommes de leurs richesses, qui leur ôtent la vie, etc. B. Le mot Ya, les inférieurs, désigne les hommes du peuple, les simples employés, les soldats, les esclaves, les domestiques, et toutes les personnes qui sont dans un rang subalterne. L'expression Tsukong veut dire ici chercher avec avidité des actions d'éclat, des dignités, des récompenses, n'avoir en vue que son propre avancement, sa fortune, son illustration, ne faire aucun cas de la vie des hommes, quand il s'agit d'arriver à ce but. Par exemple, lorsqu'un magistrat inflige des peines corporelles aux personnes qui n'acquittent pas exactement leurs impôts, qu'il fait subir la question aux accusés pour obtenir des éloges ou des récompenses, lorsqu'un général massacre sans pitié des hommes inoffensifs pour se procurer un grand nombre de têtes et vanter ses exploits dans un rapport pompeux. Ils ignorent que, s'il est facile d'opprimer le peuple placé au-dessous d'eux, il est difficile de tromper le ciel qui domine au-dessus de leur tête. Quand ils obtiendraient de brillants honneurs, comment pourraient-ils les conserver longtemps? Histoire. Huang Tsingkui, étant descendu dans l'autre monde, vit une maison dont chaque porte était gardée par des soldats. Il interrogea le gardien, qui lui dit « Tirekedratin, c'est ici la prison des fonctionnaires publics du temps des temps, qui ont traité cruellement leurs subalternes. » Il alla dans un autre endroit et vit un bâtiment semblable. « C'est, lui dit le gardien, la prison des ministres des temps, qui se sont révoltés contre leur souverain. » Il demanda combien de temps on les tiendrait ainsi en prison. Pour punir ceux qui ont opprimé leurs inférieurs, lui répondit-on, il est décrété qu'ils traverseront d'innombrables kalpas, sans voir arriver jamais le jour de leur délivrance. On voit par là que ceux qui oppriment leurs inférieurs, non seulement ne conservent pas longtemps la gloire qu'ils peuvent avoir acquise, mais qu'ils subissent encore des châtiments éternels. Changqi, qui vivait sous la dynastie des Song, ayant appris que des fonctionnaires attachés à l'armée de Qianqin avaient volé 300 000 onces d'argent et avaient laissé écouler 12 ans sans remettre cette somme dans la caisse, il dénonça ce crime et fit arrêter plusieurs dizaines de personnes. Chao Lang, qui avait l'intendance du transport des grains, s'écria « Voilà une capture qui mérite une récompense. Je désire qu'on exile sur le champ ses employés qui ont volé l'argent. » Changqi lui dit, « Comment peut-on tuer des hommes pour obtenir une récompense ?» Il convoqua tous les employés et leur annonça qu'on leur ferait grâce s'ils restituaient la somme, mais que dans le cas contraire, leur mort était certaine. Les parents et les amis de ces employés en ayant été informés, apportèrent chacun leur contingent, et au bout de 10 jours, les 300 000 onces d'argent furent complètement remboursées. Changqi rejeta le crime sur deux complices du vol qui étaient déjà morts, et fit grâce à tous les autres. Dans les années Qianqing, de 1522 à 1567, un inspecteur impérial, nommé Wang Xiu, visitait le pays de Sanou. D'après un ancien usage, celui qui avait pris 300 voleurs devait obtenir les appointements d'un inspecteur de quatrième classe. Les hommes qu'avait pris Xiu étaient au nombre de plusieurs mille. Il les examina, et ayant reconnu qu'un grand nombre d'entre eux n'étaient point de véritables voleurs, il les mit tous en liberté, en disant Je n'ose pas abuser du pouvoir dont je suis revêtu pour faire périr des hommes. » Quand il eut achevé la durée de ses fonctions, il fut élevé à la charge de Tsutuyusé. Dans la suite, ses quatre fils obtinrent le grade de docteur. Les hommes que nous venons de citer n'ont pas voulu faire du mal à leurs inférieurs pour acquérir du mérite. En général, quand un homme a le cœur rempli d'humanité et d'indulgence pour ses semblables, il en est toujours récompensé d'une manière éclatante. Son bonheur ne se borne pas à l'acquisition d'un futile mérite. Flatter ses supérieurs et chercher à leur complaire. Commentaire. L'expression Shenshang veut dire flatter les hommes qui sont au-dessus de nous, par des discours adroits et avec un visage caressant. Les mots Ichi signifient chercher à s'accommoder à la volonté de quelqu'un. C'est ainsi que les hommes pervers tâchent d'obtenir les bonnes grâces et la protection de leurs supérieurs, mais les hommes droits se gardent de les imiter. Histoire. Sous le règne de Taizu, de la dynastie des Song, un homme accusa Fu Yanqing, qui avait la charge de Jietu, de former un projet de révolte. Taizu avait l'intention de le faire mourir. Il envoya Wang Yu, qui avait la charge de Shilang, avec ordre d'examiner sa conduite, lui promettant de lui conférer à son retour un rang plus élevé. Wang Yu, étant revenu de sa mission, ne flatta point les volontés de l'empereur, et lui dit que Yanqing était innocent. De cette manière, il tira d'affaire Yanqing et lui sauva la vie, ainsi qu'à 100 personnes qui composaient sa famille. Taizu fut très mécontent de Wang Yu et ne lui donna point la charge qu'il lui avait promise. Le second fils de Wang Yu, nommé Wang Tan, devint un des ministres les plus célèbres de la même dynastie. Voilà un homme qui ne flattait point ses supérieurs pour obtenir de l'avancement. En général, les personnes qui flattent leurs supérieurs cherchent uniquement à les satisfaire dans des caprices passagers. Comment pourraient-elles jouir longtemps des honneurs et des dignités qu'elles obtiennent par cette coupable condescendance? Sous le règne de Qing Tai, de la dynastie des Ming, de 1450 à 1457, un moniteur impérial, nommé Wang Gan, présenta un rapport dans lequel il engageait secrètement l'empereur à changer son héritier présomptif et à le mettre en prison dans la ville de Nanjing. Quelque temps après, Tian Sheng rentra dans ses droits et monta sur le trône. On lui conseilla deux mauvaises actions. À l'époque où l'empereur avait de l'affection pour lui, il lui accorda de grandes récompenses et lui promit une charge élevée. Un jour, Tian Sheng visitant le palais appelé Yu Pian Tian, y trouva une multitude d'anciens rapports. Tout à coup le vent fit voler un de ses écrits, et le poussa sous les yeux de l'empereur, qui les prit et le lut. C'était le rapport présenté autrefois par Wang Gan pour faire changer l'héritier présomptif et l'emprisonner dans la ville de Nanjing. Il fit appeler sur le champ Wang Gan. Celui-ci s'imagina que c'était pour lui accorder encore quelques récompenses. Mais l'empereur prit son ancien rapport et le lui montra. Wang Gan se prosterna jusqu'à terre, en versant des larmes de sang, et demanda la mort. L'empereur, transporté de colère, ordonna à ses gardes de le chasser dehors et de le décapiter. Voilà comment fut puni Wang Gan pour avoir flatté ses supérieurs et avoir été au-devant de leur volonté. Quand les personnes attachées aux magistrats, quand les lettrés, les soldats, les esclaves ou les domestiques vont au-devant des volontés de leurs supérieurs, cette basse flatterie, cette condescendance coupable, leur fait commettre toutes sortes de fautes et de délits dont il est inutile de montrer la gravité. Les magistrats à leur tour, les chefs de maison, qui aiment qu'on se prête docilement à leur volonté, qui ajoutent foi à la calomnie, fournissent aux hommes l'occasion de répandre le venin de leur méchanceté, et de faire naître des haines éternelles. Comment pourraient-ils échapper au châtiment qui les attend dans l'autre monde? Ne pas être reconnaissant des bienfaits qu'on a reçus. Commentaire. Les mots Shehungen signifient recevoir un bienfait de quelqu'un. Par exemple, lorsqu'une personne nous procure de l'avancement, nous délivre d'un danger, nous secourt dans la détresse. L'expression Pukan veut dire ne point penser à une chose avec un cœur touché, avec reconnaissance. Les anciens disaient, celui qui a reçu le bienfait d'une goutte d'eau, doit donner en récompense toute l'eau d'une source jaillissante. Ceux qui ne se montrent pas reconnaissants violent les lois de l'équité. Histoire. En attendant l'époque de son élection, Kehaipu demeurait dans la capitale chez une courtisane célèbre, nommée Li Yunyang, qui dépensa pour l'aider une grande partie de sa fortune. Kehaipu, ayant obtenu la charge de Xinglongwei, épousa aussitôt Yunyang, et l'emmena avec lui. Mais réfléchissant qu'il avait, dans sa maison sa femme légitime, il se trouvait dans le plus grand embarras. Comme il traversait en bateau la rivière appelée Pianhu, il précipita Yunyang dans l'eau, et fit semblant de vouloir la secourir et de pousser des cris de douleur. Un jour qu'il était assis avec sa femme clans une salle de son hôtel, il vit venir Yunyang, qui l'accabla d'injures, et lui dit « Je vous ai aidé de mon argent pour obtenir votre charge, et vous, au contraire, vous m'avez précipité au fond de l'eau. » Kehaipu tira son sabre et lui trancha la tête. Elle resta encore quelque temps devant lui, à moitié visible et à moitié invisible. Quelque temps après, comme il voyageait en bateau pour les affaires de sa charge, il aperçut une main qui sortait à la surface de l'eau. Cette main le saisit et l'entraîna au fond de la rivière, où il mourut. Comme Wang Xie naviguait sur la mer, la violence du vent brisa son bateau. Il parvint à gagner une montagne où il rencontra une espèce de singe appelé Xing Xing, qui vint à son secours et le conduisit dans une grotte, et le nourrit de fruits pendant plus d'un an. Un bateau marchand étant venu par hasard à passer, le Xing Xing le conduisit jusqu'au rivage, et il se sépara de lui en donnant les marques de la plus vive douleur. Wang Xie s'étant embarqué, dit aux hommes qui l'entouraient. J'ai appris qu'un habit, teint avec du sang de Xing Xing, conserve sa couleur pendant 1000 ans. Allons ensemble le prendre. Les assistants entrèrent en colère et lui dirent. Ce Xing Xing est un animal, et cependant il a montré qu'il avait un cœur d'homme. Vous, au contraire, vous êtes un homme qui avait le cœur d'une bête féroce. À ces mots, ils se précipitèrent tous sur lui et le mirent en pièces. On voit que celui qui ne se montre pas reconnaissant des bienfaits qu'il a reçus, est vraiment au-dessous des animaux. Du temps des trois royaumes, de 220 à 280, Li Xincheng nourrissait dans sa maison un chien auquel il était très attaché. Un jour Xincheng s'étant enivré, s'endormit dans un endroit rempli d'herbes touffues. Le gouverneur, qui était sorti pour chasser, vit ses plantes épaisses et y fit mettre le feu. Le chien tira Xincheng par ses habits et le secoua fortement sans pouvoir le réveiller. Il alla se plonger dans un ruisseau voisin, et mouilla, en se roulant par terre, les herbes qui se trouvaient près de son maître. Cette humidité arrêta les progrès du feu. Le chien, qui avait été exposé à la fraîcheur de l'eau et à l'ardeur du feu, fut victime de son dévouement, et alla expirer à côté de son maître. À son réveil, Xincheng ayant reconnu la cause de sa mort, versa des larmes d'attendrissement, et l'emporta sur ses épaules. Il l'enveloppa dans un linceul et le mit dans une bière, et lui éleva un tombeau, que le gouverneur fit appeler Ikuanchong, le tombeau du chien fidèle. Si donc un chien a montré un tel dévouement pour son maître, son exemple devrait faire mourir de honte les hommes qui oublient les bienfaits qu'ils ont reçus. Pensez sans cesse à son ressentiment. Commentaire. Les mots Nianyuan signifient songer à la haine qu'on porte aux autres hommes et garder contre eux de la rancune. Les mots Puyu veulent dire ne pas mettre un terme à, ne pas cesser de. En général, quand un homme vient de nous faire un affront, nous ne pouvons, dans le moment, nous empêcher de lui en vouloir. Mais, au bout de quelque temps, nous devons oublier toute espèce de ressentiment. Nous montrerons par là de la grandeur d'âme et de l'indulgence pour les fautes des autres, et la personne qui nous a offensés sera elle-même fâchée de sa conduite et se corrigera. Mais si notre ressentiment remplit sans cesse notre cœur et occupe toutes nos pensées, alors notre haine ne fera que s'envenimer, et le nombre de nos ennemis s'augmentera de jour en jour. Histoire. Wang Yinkong était arrivé à la fin de sa carrière sans avoir d'enfant. Il en parla à un de ses amis. « Je n'ai jamais rien fait dont je puisse rougir, lui dit-il, comment se fait-il que j'éprouve ce châtiment? Il y a seulement une chose qui me cause du regret. Lorsque, autrefois, je sortis pour aller gouverner Yucheou, un geôlier me traita avec mépris. Dans la suite, étant devenu ministre, et me trouvant à la tête de l'administration, je lui ôtais secrètement sa place, et je ne le laissais pas une année sans le persécuter. À la fin, il fut réduit à mourir sur la route. Sans doute que le ciel m'a privé d'enfant pour me punir de ma conduite. Lorsqu'on voit un homme vertueux comme Yinkong se repentir amèrement d'avoir autrefois nourri du ressentiment, comment son exemple ne nous servirait-il pas de leçon? Sous la dynastie des Ming, un homme de Shanghai, nommé Chang Kong, avait été exilé aux frontières dans sa jeunesse. Il servait ordinairement un chef militaire qui avait la charge de Wei Kuan.